Ton absence seront longtemps insupportables, mais qu'importe, ferme la porte, la vie n'est qu'une palabre. Responsable, non, ne dis rien. Ce silence, ton absence seront longtemps insupportables, mais qu'importe, ferme la porte, la vie n'est qu'une palabre. Ne m'emmerde pas plus que je ne t'ai dégoûté. T'embarrasse pas d'un pourri comme moi. Va voir ailleurs, tu vaux beaucoup mieux que ça. Je garderai ces bons moments passés ensemble. Lorsque je ressens tes caresses, mon corps en tremble. Ce silence, ton absence seront longtemps insupportables, mais qu'importe, ferme la porte, la vie n'est qu'une palabre. Mais ma décision est prise, je te quitte. Ton absence seront longtemps insupportables, mais qu'importe, ferme la porte, la vie n'est qu'une palabre. Ce silence, ton absence seront longtemps insupportables, mais qu'importe, ferme la porte, la vie n'est qu'une palabre. Ce silence, silence, ton absence, ton absence. absence seront longtemps insupportables. Mais qu'importe, ferme la porte, devine, tu n'es pas là. Porte.